n'est sûrement pas un con. C'est qu'il en a vu de toutes les couleurs. Même si monsieur Léon paraît grognon, demande-toi ce qu'il a au fond du cœur. Ces derniers temps, je l'ai croisé dans la rue, l'air égaré, le regard perdu. Je sais pas ce qu'il avait, il avait l'air déçu. Peut-être que pour lui l'espoir a disparu. Monsieur Léon entend sa vie passer. Monsieur Léon voit le silence le ronger. Il s'entend le filet entre les doigts. Il sent qu'il s'éloigne de tout ça. Monsieur Léon n'a pas de distraction. Comment veux-tu qu'il soit de bonne humeur? Il a tout le temps de se poser des questions. Serait-ce ça qui lui fait tellement peur? Il rend ses rêves trop assidus et son âme ne lui sourit plus. Jamais il ne sera détendu par cet amour tant attendu. Monsieur Léon entend sa vie passer. Monsieur Léon voit le silence le ronger. Il s'entend le filet entre les doigts. Il sent qu'il s'éloigne de tout ça. Tous notre heure, dans l'espoir qu'elle ne sera pas sœur à celle de monsieur Léon, à celle de ce pauvre garçon. Car monsieur Léon, c'est toi, c'est moi. Un jour on est tous confrontés à ça, en face à face avec la solitude. Quand il est tout seul n'est plus qu'une habitude. Monsieur Léon entend sa vie passer. Monsieur Léon voit silence le ronger. Il s'entend les filets entre les doigts. Il sent qu'il s'éloigne de tout ça. Il veut prouver que son cœur est encore bon. Il crie son malheur aux gens bien vus, mais lui bien sûr n'est pas le bienvenu. Monsieur Léon voit le silence le ronger. Il s'entend le filet entre les doigts. Il sent qu'il s'éloigne de tout ça.